Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Ce soir, c'est la Saint-Valentin, mais on s'en fout pas mal. Je vous garantis que ce soir, vous aurez aucune pièce en rapport avec la Saint-Valentin. Donc, vos oreilles sont saufs ce soir. Je vous ai trouvé plein de bonne musique gratuite. Donc, vous pouvez télécharger et partager avec vos amis gratuitement. Pour ça, ben, rendez-vous sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org et vous allez avoir accès à toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, sans plus attendre, on va débuter avec Messer Chops. C'est sur le net label Comfort Stand Recordings. Je vous passe la pièce Polyvox Box and Garage. Puis ensuite de ça, sur le net label It's a Trap, on va entendre Bjorn Klenhein avec sa pièce The Best Day of My Life. Donc, on débute tout de suite Web Musique avec Messer Chops. Thank you. from that country I never know which. And I'm sorry I left your horse out in the road. I can't blame you for breaking up with me in school on the next day. Hey Mike, you okay? I still feel ashamed about that time when we hit you with a towel in the shower after gym class and locked you out in the snow in the winter of 1994. C'était Bjorn Kleinheinz avec sa pièce « The Best Days of My Life ». Donc, Bjorn Kleinheinz qui vient de la Suède. Avant ça, c'était un duo russe du nom de Messer Chops. La pièce s'appelait « Polyvox Box and Garage ». Donc, c'était sur Comfort Stand Recordings. Bjorn Kleinheinz, lui, était sur le net label « It's a Trap ». Donc, on poursuit avec un artiste de l'Angleterre du nom de Throwing Snow. Je vous fais passer sa pièce Twinkle Toe. Throwing Snow qui est sur le netlabel Dusted Wax Kingdom, un netlabel qui vient de la Bulgarie. Puis ensuite, de ça, on va entendre de l'Allemagne le duo Skang Fu et Mates B. Je vous fais passer la pièce Ich bin ein Möller en Koelsch. Excusez mon allemand. Donc, cette pièce-là, c'est sur le netlabel So Healthy Music. Donc, pour tout de suite, on écoute Throwing Snow. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Web Musique en compagnie de Simon Roy à l'antenne de CKRL 89,1. Donc, on entendait le duo allemand Skang Pui et Matesby. La pièce s'appelle Ich bin ein Mullen en Kölsch. Excusez mon allemand. Donc, c'était sur le net label So Healthy Music. Avant ça, ben, c'était Throwing Snow. Ça vient de l'Angleterre et on entendait la pièce Twinkle Toe. C'était sur le net label Dusted Wax Kingdom. Pour poursuivre, on va entendre 41 avec sa pièce Beware the Mailman. C'est sur l'excellent netlabel Conferstan Recordings. Netlabel qui est malheureusement défunt, mais vous avez quand même accès à toutes les archives. Donc, vous pouvez télécharger tout leur album. C'est vraiment un netlabel très intéressant. Ensuite de ça, ben, sur un collectif qui s'appelle Amical du Mécanique Metal Disco, on va entendre Mel P avec la pièce, mon Dieu, je ne suis même pas capable de vous la prononcer. Donc, on va entendre une pièce de Mel P. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite 41. Don't forget, play this record twice every day for a whole week. Listen, let's get the music started. Let's have some music! Music! Hit it! Resemble most, your mommy or your daddy? I don't look like my mommy or my daddy. I look like the mailman. Open the door. Mais bien sûr que si. Et pour l'imaginer, la meilleure façon, c'est de commencer par avoir les bonnes informations. Alors écoutez donc Le Grain de Sable, l'émission d'Attaque Québec, en primeur sur CKRL 89,1, tous les mardis, 22h. Randall Spear nous présente son nouvel album, Super Raid. Pièces intimistes qui nous plongeront dans l'univers folk acoustique de Randall Spear. Une ambiance filtrée, une production soignée, un album magique. You don't have to be brave, you don't have to be beautiful, you don't have to be strong. Randall Spear, le prince du folk, assister à son spectacle prend tout son sens. Rise above. Se sentirait très confortable entre Dylan et Coel. Journal de Québec. Slow Parade de Randall Spear, Orange chez Archambault et Archambault.ca. Le quartier Lune est à la recherche de nouveaux DJ pour les jeudis soirs et vous offre la possibilité de gagner ce poste. Tenteront de se démarquer auprès de notre jury. La seule règle, piger dans le répertoire musical des années 80 et 90. À gagner, une bourse de 500$ et un poste de DJ au quartier de Lune. Un deuxième prix de 300$ et un troisième de 200$. Inscrivez-vous avant le 28 février, quartierdelune.com ou 418-523-4011. Le quartier de Lune, 799 Vous écoutez toujours Web Musique en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait DJ Unite, sa pièce Formatted. C'était sur le netlabel Phonotactics, un netlabel qui nous vient du Portugal. Avant ça, une petite pièce de métal par le groupe qui vient de Le Mans en France. Le groupe s'appelle Melpi. Donc, je ne peux pas vous prononcer le nom de la pièce, mais c'était sur le collectif amical du mécanique Metal Disco. Puis avant ça, de la Pennsylvanie, c'était 41 avec sa pièce Beware the Mailman. C'était sur le netlabel Conferstan Recordings. Pour poursuivre l'émission, je vous propose un artiste chilien du nom de Coba. Je fais passer sa pièce Mini Plaque. C'est sur le netlabel Epa Sonidos. Puis ensuite de ça, de l'Allemagne, Clit Beats avec sa pièce The Morning After. Clit Beats qui a publié cet album sur le netlabel Buddha Beats. Donc, c'est ça, on va débuter tout de suite avec Coba. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano. La mano, la mirado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados, dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha. Seminado. C'était Clit Beats sur le net label hongrois Buddha Beats. On vient d'entendre sa pièce The Morning After. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Buddha Beats. Ils ont de l'excellente musique en téléchargement gratuit. Puis avant ça, du Chili, c'était Koba avec sa pièce Mini Plaque. C'était sur le net label Epasonidos, un net label qui nous vient du Chili. On va poursuivre avec Stefano Cossiolo. C'est un Italien qui se retrouve sur le net label A Quiet Bump. Je vais vous faire passer sa pièce Spring State. Puis ensuite de ça, je ne sais pas trop, je vais vous revenir. C'est ça. On écoute tout de suite Stefano Cossiolo à Web Music. Thank you. pièce Spring State par l'Italien Stefano Cocciolo. C'était sur le net label A Quiet Bump. Ça va déjà être tout pour Web Musique. On va se laisser sur une dernière pièce, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez venir faire un petit tour sur le site de l'émission pour télécharger les pièces que vous avez entendues. Puis, si vous manquez des petits bouts, ben il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible. Donc, ça vous permet d'écouter l'émission au moment qui vous plaît. Donc, vous n'avez pas besoin d'être à heure fixe. On va se laisser sur une pièce de Two Bone Giants de la Bulgarie. Je vous fais passer la pièce Killer's Lullaby. Je vous invite à écouter la pièce et rester à l'écoute de CKRL, ces poils de carotte qui suit tout de suite après. Moi, je vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL. Est à la recherche de nouveaux DJ pour les jeudis soirs et vous offre la possibilité de gagner ce poste. De 21h à minuit, trois DJ tenteront de se démarquer auprès de notre jury. La seule règle, piger dans le répertoire musical des années 80-90. À gagner, une bourse de $500 et un poste